Donc, il est bon, mes frères et sœurs, de revenir ce matin. Et nous allons continuer notre étude dans l'Évangile de Jean. Mais nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous sommes en train de regarder à ta parole l'Évangile selon Matthieu. Tu veux convaincre la jeune Église que Jésus Nazareth était vraiment le Messie qui devait venir et le roi d'Israël. Mais ce n'est pas seulement que le roi d'Israël, mais aussi le roi de ce nouveau royaume que tu es en train d'établir. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous en convaincre encore plus ce matin. Dirige-nous par ton Saint-Esprit, car nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Amen. Nous allons regarder ce matin l'enfance. Hier, on a vu la naissance du roi, et ce matin, on va commencer à voir, peut-être qu'on va avoir le temps de le voir au complet, mais l'enfance du roi est... Vous savez comme moi que, dépendamment de qui je suis, ça va influencer mon enfance. Si je vis au monde de parents extrêmement riches, ça va paraître durant mon enfance. Si je viens d'une famille très pauvre, ça va paraître aussi. Et si je suis au monde, je vis au monde et je suis de naissance royale, ça va paraître aussi. Donc, la naissance de Jésus nous a démontré qu'il était de famille royale, autant divin que humain. Maintenant, ce qui est arrivé au jour, dans son enfance, dans les premiers mois, les premières années de son enfance, nous démontre qu'il était le roi. Et dans le chapitre 2 de Matthieu, ça doit être vu dans son ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers mois, première année? Ce n'est pas tout le monde qui est convaincu combien ça dure de temps. Parce que quand il va revenir de l'Égypte et s'installer à Nazareth, il y en a qui pensent que l'enfant peut avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans. On n'est pas sûr. Donc, c'est moins important. Mais ce qui a été accompli pendant les quelques premières années de sa vie, nous démontre qu'il était l'enfant roi promis par Dieu dans l'Ancien Testament. Dans les 12 premiers versets, nous allons voir son lieu de naissance qui était important. Je vous ai dit hier que Matthieu s'efforce de prouver que Jésus était le Messie par les Écritures de l'Ancien Testament. Et dans ce texte ici, il y a 4 prophéties qui s'accomplissent dans les 3 ou 4 premières années de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'avait aucun contrôle sur ces prophéties-là. Il n'a pas pu les faire accomplir en tant qu'enfant, je pense. Donc, ces choses-là arrivent parce qu'il y a eu une intervention divine pour que ces choses-là s'accomplissent. On va le voir dans les 3 ou 4 prophéties qui sont accomplies. Il y a toujours une intervention divine pour que les prophéties que Dieu a faites par les prophètes de l'Ancien Testament s'accomplissent à la venue de Jésus. Lisons ensemble les 12 premiers versets. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez les informations exactes sur le petit-enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi, moi-même, l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit-enfant, elle s'arrêta. Quand ils l'aperçurent, l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, les mages. Quand on lit cette histoire-là, nous qui avons été élevés catholiques, on voit trois petits vieux sur des chameaux avec leur présent. Deux blancs, un noir. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Ils sont là près de la crèche, c'est ce que je me souviens. Mais ça a tout un autre sens ici. Je crois que, d'abord, nous ne pouvons pas savoir s'ils sont trois. On ne sait pas s'ils sont vieux. On ne sait pas s'il y en a un noir. Mais ce qui est important de comprendre. Donc, ces hommes-là étaient reconnus. On les appelait, quand on lit l'histoire, des couronneurs de rois. Ils étaient des gens très importants, probablement en Perse ou en Arabie. Ils viennent de l'Orient, donc à l'est de Jérusalem. Ils viennent après avoir été avertis par Dieu, parce qu'ils voient un signe dans les ciels. Nous, on voit le mot étoile, mais la Bible n'utilise pas toujours ce mot-là dans le grec pour étoile. Ça peut être juste un astre. Donc, c'est un astre céleste. Si c'est une étoile, comète, on peut avoir toutes sortes de choses. C'est un phénomène céleste qu'on voit dans le ciel. Mais que ce n'est pas ordinaire. C'est extraordinaire. Mais comment devine-t-il qu'à la vue de cet astre-là, de cette étoile-là, si on veut, qu'un roi est né à Jérusalem? Comment est-ce qu'il vient de cette pensée-là? Moi, je crois qu'il y a eu une intervention divine, probablement, ou certains pensent que peut-être que c'est Daniel. Daniel, dans l'Ancien Testament, était le chef des mages pendant qu'il était à la cour. Est-ce que c'est lui qui aurait instruit les mages de la venue d'un Messie, de la venue d'un grand roi qui était pour régner sur le monde entier, sur un royaume spécial? Peut-être. Mais une chose est certaine, quand ils arrivent à Jérusalem, ils ne passent pas inaperçus. Au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé avec tout Jérusalem. Sont troublés par le fait qu'il y a des mages, probablement plusieurs mages, parce qu'il y a des mages, et ils doivent avoir toute leur escorte. Parce qu'il y a des hommes très importants, très riches, donc ils doivent avoir avec eux autres leur garde, leur armée, probablement leurs serviteurs. Ils ne devaient pas voyager tout seuls comme trois petits vieux. C'est, me semble, le bon sens qui nous dit ça. Et quand ils disent qu'il y a un nouveau roi qui est venu au monde et qu'ils ont vu son étoile ou un signe dans le ciel, ils viennent. Ils viennent pour l'adorer. Ils viennent pour l'adorer. Pourquoi viennent-ils à Jérusalem? Parce qu'ils n'ont pas suivi l'étoile. Ils ont vu une étoile. Ils vont revoir l'étoile un peu plus tard. Mais ils n'ont pas suivi. Ils ont vu une étoile et ils s'en viennent à Jérusalem. Pourquoi qu'ils viennent à Jérusalem? Mais c'est la ville royale. Si moi je cherche le premier ministre au Canada, je vais à Ottawa. Et donc, Jérusalem est la ville royale. S'ils avaient suivi l'étoile, pas à pas, si je peux dire ainsi, ils ne seraient pas allés à Jérusalem. L'étoile les aurait conduits à Bethléem. Mais ils s'en vont à Jérusalem et ils demandent où est le roi qui vient de naître? Le roi en place est troublé parce que selon les mages, il y a un compétiteur qui vient de naître pour prendre sa place. S'il y a un nouveau roi qui vient de naître, mais l'ancien roi va disparaître, c'est une question de temps. Et ils viennent pour l'adorer. On va y revenir tout à l'heure là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, notre ami Hérode? Il convoque, parce qu'il n'a pas la réponse, il ne sait pas ce qui est le roi. Donc, il convoque les sacrificateurs, les scribes, et il demande, d'où est-ce qu'il doit naître le nouveau roi, le Messie? Et il sonde les Écritures, et selon les Écritures, il doit naître à Bethléem. La prophétie a dit qu'à Bethléem naîtrait un roi, un grand chef, qui paîtrait Israël, le peuple de Dieu. Ici, nous comprenons pour nous, qui sommes après ces événements, qu'il Jésus n'a jamais été le roi d'Israël, mais je crois qu'il parle ici du vrai Israël, de l'Israël qui est le peuple de Dieu. Et c'est le nouveau peuple, le nouveau royaume que ce roi, homme et Dieu, va établir. Donc, après qu'ils ont su qu'il va naître à Bethléem, ou qu'il est né à Bethléem, le roi Hérode dit aux mages, « Allez-y, trouvez-le, revenez me le dire, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » On sait très bien que c'était un mensonge, il voulait aller le tuer. Donc les mages sortent de là et partent. Et en sortant de Jérusalem, ils revoient ce même signe céleste, cette même étoile, et ils vont la suivre, et elle va arrêter juste au-dessus de la maison où se trouve l'enfant roi. Je pense plutôt, moi, le bon sens nous aime peut-être avoir un astre, une apparition lumineuse que Dieu a envoyée pour montrer où est-ce qu'était l'enfant, dans quelle maison il était. Et quand ils arrivent à la maison, leur réaction, c'est d'offrir des présents royaux, l'encens, la myrrhe et l'or, et ils se prosternent et ils adorent ce petit enfant-là. La révélation qu'ils ont eue, c'est que ce roi-là était plus qu'un roi, parce qu'il l'adore, il se prosterne et il l'adore. C'est la première fois qu'on va voir dans l'Évangile et dans la vie de Jésus des gens adorer Jésus. Mais ici, Jésus, quel âge a-t-il? Il n'est plus dans la grotte, il n'est plus dans l'étable, il est dans une maison. Comment de temps il s'est passé? On pense un an, peut-être deux ans, on ne sait pas. Pas sûr. Mais il est dans une maison. Est-il conscient de ce qui se passe? Est-il assez vieux, un an et demi, deux ans, pour comprendre ce que ces hommes-là font? On n'est pas sûr. Mais la réaction des mages nous dit que cet enfant-là, pour eux du moins, était un roi, et un roi plus qu'un roi humain parce qu'il l'adore. dont il voit en lui un roi humain et divin. Cette même pensée que dans chapitre 1. Après l'avoir faite, ils vont partir, mais ils sont divinement avertis, encore une fois, divinement avertis de ne pas retourner à Jérusalem et ils retournent dans leur pays par un autre chemin. Donc, première prophétie, il avait dit une prophétie, c'est un descendant de David. Mais David est en roi à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à Jérusalem? La prophétie avait dit Bethléem. Et c'est là que Jésus est né à Bethléem. On n'a pas toutes les données ici pourquoi il était à Bethléem. D'autres évangiles nous le disent. Mais ici, on voit que quand il va naître à Bethléem, dans la ville du grand chef. Cet homme qui va paître Israël, le peuple de Dieu. Il va le paître. Il va le diriger. Il va le gouverner comme un roi humain et divin. Paître veut dire diriger. Le mot paître, c'est le mot pour un berger qui va paître son troupeau. Mais le roi va aussi paître Israël. Il va diriger son peuple d'Israël. Il va le conduire. Il va en prendre soin. On a vu hier qu'il va pardonner les péchés de ce peuple-là. Il va les délivrer, il va les sauver de leurs péchés. Et ici, il va paître Israël. Et on voit que c'est pas, si on continue la même pensée comme hier, un roi qui naît et qui va pardonner les péchés, qui va délivrer des péchés, c'est plutôt spirituel ça, n'est-ce pas? Et ici, il va les paître, et je crois que c'est encore spirituel pour le moment. Parce que Jésus n'est jamais devenu roi terrestre d'Israël de son vivant, il ne s'est jamais assis sur le trône, il n'a jamais été le roi dans le sens qu'on l'attendait. Donc, il va paître d'une autre façon. Et je crois personnellement qu'il paie son peuple depuis 2000 ans. Et il en prend soin, il est le roi de ce nouveau peuple depuis 2000 ans. Il est mon roi de façon spirituelle. Il n'est pas mon roi de façon matérielle ou physique. Ça, c'est la première prophétie. Nous allons voir les autres demain. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné un roi. Un roi qui va nous diriger, qui va paître, qui va conduire ce peuple-là dans lequel nous sommes. Et c'est un roi humain et divin. Un roi parfait. Merci que tu l'as protégé ici de la folie des êtres humains. Merci que tu nous l'as donné pour qu'il nous sauve de nos péchés et qu'il nous conduise. Seigneur, donne-nous la grâce de le servir, ce roi-là, de lui obéir, de l'adorer, comme on fait les mères. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.